Parler avec Alex. Ouverture du marché des joueurs autonomes aujourd'hui dans la NFL et ça a bougé pas mal. C'est à 16h que ça va ouvrir. Au moment où on enregistre le podcast, il est 11h30 minutes et on sait pas mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà de signatures. On en parle avec Alexandre Gauthier. Salut Alex. Danny. Alexandre, je suis surpris, moi, déjà qu'on sait déjà pas mal tout ce qui va se passer. Le marché ouvre officiellement à 16h. Je sais qu'il y avait 2 3 jours que les joueurs avaient le droit de négocier, mais déjà on sait la plupart des gros joueurs où ce qu'ils s'en vont. Es-tu surpris de ça? Ça me semble que c'est la première année qu'il y a autant de fuites. Je sais pas si c'est la première année qu'il y a autant de fuites. Il me semble que les 2 dernières années, on avait quand même pas mal de fuites concernant les signatures. Écoute, c'est comme ça dans la NFL. À partir du moment où tu considères que le début de ton année en mars est le début soit des agents libres puis le début de la période de transactions officielles, ben t'en as pour un mois de temps où il y a des rumeurs, où il y a des transactions qui sont finalement conclues, mais qui sont pas officielles tant que le début de l'année est pas effectué, donc le 14 mars. Peut-être que la NFL devrait changer Ben oui. cette façon de faire là. Parce que dans la NFL, là, OK, écoute, on sait qu'il y a 2 3 jours que ça négocie. On sait, exemple, quel joueur négocie que telle entente, mais c'est à l'ouverture à midi qu'on sait vraiment où le joueur s'en va. Mais là, on sait quasiment tout. D'ailleurs, le joueur le plus convoité était Kirk Cousins, qui s'en irait avec, de toute vraisemblance, ça va être confirmé à 16h, avec les Vikings du Minnesota. On parle de contrat autour de 80 millions. La nouveauté, c'est qu'il y a une grosse partie du contrat qui est garantie. Ça, c'est la grosse nouveauté. Est-ce que les Vikings, est-ce que c'est Kirk Cousins qui va les emmener à la terre promise? Ben écoute, je pense que c'est le meilleur endroit là pour Kirk Cousins. T'as 2 receveurs de passes d'impact, les sans doute le meilleur duo de receveurs de passes de la ligue là, avec entre autres Stephen Diggs. Pour lui, c'est une situation idéale. T'as une défensive monstrueuse. À ma connaissance, ils n'ont pas perdu de pièce là, du Non. morceau de casse-tête en défensive sur le marché des agents libres. Et là, ils viennent d'ajouter donc un corps arrière qui va faire probablement là. Un peu mieux là, que Case Keenum et je pense qu'il va avoir les outils pour s'amuser. Donc les Vikings sont en excellente position. C'était aussi la meilleure option pour Kirk Cousins. Ceci étant dit, on parle de bon 80 millions garantis. Autour de C'est une 80 millions. folie, c'est une folie furieuse là, si tu veux mon avis. Je pense que pour les Vikings, pour Kirk Cousins, c'est l'idéal. Pour les Vikings, ben c'est je me casse la gueule ou je fais le meilleur coup que j'ai jamais fait de ma vie avec ce contrat-là. On va le voir dans 3 ans, mais si Kirk Cousins est blessé, si il y a un déclin majeur dans sa production, ben quand ça va être le temps de payer la 3e année garantie, ça va faire mal sur le plafond salarial s'ils veulent le couper. Ça va faire mal aussi aux finances parce qu'ils devront le payer. Alors, j'avoue là, que c'est un high risk, comme on dit en anglais, high reward pour les Vikings. Ok, Drew Brees, ça aurait été le joueur le plus convoité. 2 ans, 50 millions, 25 millions par année avec les Saints d'Orléans. C'est vraiment pas une surprise compte tenu que Drew Brees demeure en Nouvelle-Orléans. C'est un gars de la Nouvelle-Orléans. Donc, qui termine sa carrière avec les Saints. Il y avait des rumeurs justement que les Ouais, Vikings mais ça me fait rire. auraient été intéressés. Mais finalement, écoute, probablement que Mme Brees a dit non, non, on reste en Nouvelle-Orléans. Non, mais de toute façon, ça me fait rire, Danny. Écoute, si tu regardes les termes du contrat, là, si ce sont les bons, on va le savoir à 16h aujourd'hui. Si tu regardes les termes du contrat, c'est un contrat tout à fait amical que Drew Brees a signé avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Il aurait été capable d'aller chercher beaucoup mieux ailleurs, surtout quand tu sais que les Cards d'Arizona ont donné à peu près le même montant, 5 millions de moins à Bradford, Sam Bradford, qui a joué la moitié des matchs et qui va avoir probablement la moitié de la production de Drew Brees avec les Saints. Donc, les Saints, là, Drew Brees, il voulait rester à Nouvelle-Orléans, c'était clair, net et précis. Ce contrat-là. OK. Sam, tu as parlé de Sam Bradford. Moi, je trouve pas que c'est la solution. Bradford, c'est le type de carrière très bon pour être deuxième, mais pas assez bon pour être premier. Et souvent, il a été blessé aussi au cours de sa carrière. Ça n'a pas aidé non plus, là. Juste en raison des blessures, Danny, tu ne peux pas donner un Ouais. contrat de numéro 1 à Sam Bradford. Effectivement, ça aurait été un bon numéro 2, mais peut-être que l'intention des Cards, c'est de s'avancer ou de profiter de la première ronde pour repêcher un corps arrière. Pardon? C'est une année très riche en carrière cette année. Ouais, c'est une année très riche en carrière. Alors, ils ont peut-être fait le pari, étant donné qu'eux autres, ils ont moins d'espace sous le cap salarial. Ils ont peut-être pris le pari de donner un bon montant d'argent à un carrière qui devrait quand même être un bon deuxième, sinon un premier qui va servir de pont entre le nouveau carrière et les prochaines années. Mais c'est peut-être le pari qu'ils ont fait. Ceci étant dit, si le carrière qu'ils repêchent n'est pas prêt à jouer et que c'est Sam Bradford sur lequel ils misent essentiellement pour gagner cette cette année et qu'il se blesse, ben là, on se retrouve gros champ comme devant chez les Cards. OK. Du côté des Broncos de Denver, Case Keenan s'en va à Denver. Case Keenan, écoute, ça a été une surprise l'an passé. Il était là parce que Bradford et Bridgewater ont été blessés. Il arrive là, il connaît toute une saison. Est-ce que John Elway a décidé de miser sur lui? Puis, il y avait des rumeurs qui circulaient que Kirk Cousins pourrait se ramasser à Denver. Ouais. C'est comme toi. Ouais, mais Danny, c'est comme toi et moi, là, OK? On se promène, on va acheter une automobile, OK? Ouais. Puis on a chacun un budget, là. Puis là, on se rend compte, finalement, qu'on a le beau VUS, là, de haut de gamme, là, qui nous est accessible, là. Mais en même temps, tu fais le calcul, tu regardes ton budget, tu dis, tabarnouche, on va peut-être avoir le même rendement, ou à tout le moins un rendement relativement similaire avec le VUS de bas de gamme, mais je vais avoir quand même les quatre roues motrices, je vais avoir quand même un moyen de me déplacer dans des endroits difficiles. Donc, je vais avoir les mêmes performances pour moins cher. Ça fait que c'est probablement ce que c'est dit aussi, notre ami John Elway. OK. Donc, ça veut dire que c'est la fin pour Paxton Lynch? Parce que Paxton Lynch a été un premier choix au repêchage. Là. C'est pas rien non plus. À partir du moment où Paxton Lynch a été devancé par Simeon, ouais, et que cette année, ils l'ont remis et ça n'a pas été concluant, son sort était scellé là, après deux saisons à Denver, et c'est pourquoi qu'ils ont donné quand même pas mal d'argent à un corps comme Keenum qui n'a rien prouvé à part l'année passée parce qu'il était très, très bien entouré, soit dit en passant. Et probablement qu'ils vont repêcher aussi un autre corps arrière avec le cinquième choix ou à tout le moins peut-être un corps en deuxième ronde pour le préparer pour le futur. OK, Sammy Watkins qui s'en va, lui, à Kansas City. Ouais, ben écoute, c'est pas très surprenant. Tu me permets l'expression, le switch avec Alex Smith qui a un bras très moyen, ouais, à un gars comme Patrick Mahomes qui a un bras canon et qui vient d'un système à Texas Tech où c'était que aérien. Alors, il récoltait 70% de ses passes, là. 70%, de ses jeux, c'était des passes. Alors, je pense que au niveau des Chiefs, on voulait simplement lui donner des outils avec Travis Kelce comme Eddie Reproché, les outils pour s'amuser un peu Patrick Mahomes et avoir les meilleures chances de succès l'année prochaine. OK. Parle-moi des Pats qui ont perdu trois joueurs. Ça vient de sortir. Nate Solder s'en va également avec les Giants. Dion Lewis qui s'en va, et Martin Butler qui s'en va au Tennessee. Ouais. À partir du moment où Bill Belichick n'utilise pas Michael Butler, on savait que c'était terminé avec les Pats. Ouais, Butler, je pense qu'il y a un problème aussi d'effort, semble-t-il, d'attitude, d'effort. Alors moi, de voir que les Titans ont donné autant d'argent à un gars qui a été mis dehors par Bill Belichick, moi je me rends... C'est drôle, hein, le nouvel entraîneur des Titans, c'est un gars qui a joué sous les ordres de Belichick, et pourtant, il n'y a pas de signal d'alarme. Ouais. Moi, Mark Vrabel, il n'y a pas de signal d'alarme. Moi, j'avoue, j'ai un petit peu de misère à comprendre que les Titans ont donné autant d'argent à Butler. Ceci étant dit, c'est un talent de qualité, mais les Patriots, ben, c'est comme le monstre, ou c'est comme l'araignée, tu y arrache une patte, elle continue pareil d'avancer. Alors, ils ont des pattes en masse, ils ont tout ce qu'il faut pour avancer. Ceci étant dit, les Patriots, à un moment donné, ça risque de les rattraper un peu aussi, cette stratégie-là. Tu peux pas toujours prendre un joueur, le retirer, en mettre un autre, ça fait pareil. Je pense que ça a des limites. Là, ils sont en train de tester l'élastique pas mal. Là. Il est pas pété, mais l'élastique, avant qu'il pète, il est toujours blanc un peu. Là. On doit être rendu dans zone blanche là, pour les Patriots. Moi, j'ai hâte de voir, de toute évidence, je m'attendais que les Pats allaient chercher un deuxième carrière. Tu peux pas commencer l'année avec un gars de 42 ans et un substitut comme Brian Hoyer. Il y avait des rumeurs qui se créaient que Teddy Bridgewater s'en allait avec les Pats, ouais, sauf que là, c'est finalement, il s'en va avec les Jets. C'est un petit peu c'est pas surprenant. Les Jets qui ont un sérieux problème au poste de carrière. Donc, écoute... Ben, ils l'ont réglé pas mal hier, ouais, mon ami Danny, avec Josh McCown, qui est un excellent corps arrière comme police d'assurance. Et là, t'as Bridgewater, qui était, à mon avis, moi, un risque que j'aurais aimé prendre à être un directeur général. Je l'aurais couru. Le seul risque que j'aurais couru, c'est sur Bridgewater. Alors, moi, je trouve que les Jets ont parfaitement agi là, hier en signant ces deux corps. Eddie McCarron, est-ce que tu es surpris qu'il n'y a pas signé encore? McCarron, qui était souvent en arrière d'Andy Dalton, moi, j'ai aimé, c'est un gagnant, c'est un carrière qui est allé avec Alabama, très fort. Lui, n'a pas de contrat au moment, puis au moment où on se parle dans ce podcast, il n'y a pas de rumeur non plus. Ouais, il n'y a pas de rumeur, ça veut dire deux choses. Ouais. Ça veut dire où les équipes, où seuls les Browns croyaient en lui l'année passée, assez pour échanger un deuxième choix, où AJ McCarron est en train de demandé beaucoup trop d'argent pour les performances qu'il a fournies comme deuxième quart et comme premier quart arrière là, quand Dalton s'est blessé. Bon, lui, est-ce qu'il veut maximiser sa valeur sur le marché? Probablement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a demandé d'avoir son statut d'agent libre, puis il a gagné en justice son statut d'agent libre. Donc, peut-être il veut en profiter au maximum. Ceci étant dit, attention, Danny, moi, une fois que tu vois les dominos tomber de même, puis que l'argent devient de plus en plus rare, des fois, ça te fait faire des concessions. Alors, moi, je pense que McCarron va se retrouver dans une situation bientôt où il y aura un choix à faire s'il veut pas trop perdre d'argent puis avoir la meilleure situation possible. Mais moi, je le vois comme un bon corps arrière. Tu sais, je le verrais à Jacksonville, là, sérieusement, là, parce que Bortles, pour moi, c'est pas un corps qui est un numéro un. Donc, je le verrais là, comme un bon second qui a des chances de prendre la relève de Bortles dans une équipe qui va faire les séries l'année prochaine si Bortles se plante. OK. Du côté de Jordy Nelson, page d'histoire se tourne à Green Bay, hein? Hey, toute une page d'histoire là, ouais. Au-dessus. Écoute, je lisais les statistiques là, entre Rodgers et la combinaison Rodgers-Nelson était extraordinaire. Écoute, je pense que Aaron Rodgers va s'ennuyer, là, même si on lui a donné un nouveau... Jimmy Graham, c'est pas mauvais. Ouais, on lui a donné un nouveau joueur hier, Jimmy Graham. Mais Jimmy Graham, là, soyons clairs, il n'est plus l'ombre de lui-même. Peut-être va-t-il retrouver sa jeunesse d'antan avec les Packers, mais ça, c'est rien de garanti. Là. OK. Les Seahawks de Seattle qui ont coupé Richard Sherman s'en va à San Francisco. Les 49ers qui vont être assez sérieux. L'an prochain, Garoppolo, Jimmy G et Sherman, on semble vraiment sur un nouvel air. Moi, je pense que les 49ers ont des chances de faire des séries l'an prochain. Ben, les 49ers, honnêtement, ils ont mis la main sur un bon joueur. Ceci étant dit, je sais pas quel genre de Sherman qu'ils vont avoir. Il sort d'une blessure au talon d'Achille. Tu sais comme moi que la position de demi-coin est très exigeante pour faut être très vif, faut faire des changements de direction très rapides. Alors, je sais pas dans quelle mesure quel genre de Sherman qu'on va avoir l'année prochaine. Mais chose certaine, les 49ers ont pas l'air d'avoir pris un trop grand risque avec le contrat qu'ils lui ont donné. Donc, financièrement parlant, c'est un bon deal. C'est disons que c'est un projet qui pourrait être très, très payant pour les 49ers. Mais là, avant de les mettre dans les séries, on va se garder une petite gêne d'Annie. Ouais, au moins lutter. Je pense qu'ils peuvent lutter. Certainement lutter, mais ils sont dans une division qui sont une très, très forte division. N'oublions pas que les Rams, même s'ils n'ont pas signé d'agent libre, d'Annie, les Rams, avec les échanges qu'ils ont faits, ils se sont renforcés aussi. Les Steelers, les Pats, à date, sont très tranquilles. Les Eagles aussi. Les Eagles sont très tranquilles aussi. Les grosses équipes. Ben, les Eagles re-signent. Les Eagles re-signent leurs joueurs. C'est excellent. Ouais. Je disais ce matin qu'ils avaient re-signé Nigel Braben, qui était leur secondeur, un de leurs meilleurs secondeurs. Donc, on garde les pièces du casse-tête, Danny. Il faut en perdre. On n'a pas le choix. Ouais. C'est comme ça. Alex, on se quitte. T'as une rencontre à midi. Donc, ça fait pas mal le tour. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles qui circulent dans la NFL. Ça, c'est pas mal le fun. Pour probablement lundi pour faire le bilan de tout ça. Tout à fait. Alexandre Gauthier et la NFL.